Donc, on va prendre ensemble ce temps pour aller plus loin dans notre compréhension de l'Apocalypse. On pourrait traduire comment, de notre façon, l'Apocalypse? On pourrait traduire par révélation. Donc, c'est un livre de révélation. Quand on dit ça, les gens qui sont d'arrière-plan anglophone, ils trouvent ça un peu drôle qu'on dise Apocalypse, parce qu'ils disent « The Book of Revelation ». Donc, c'est la révélation. On révèle quelque chose qui est vrai, oui, qui s'en vient, quelque chose qui était caché avant. Si je dis « je vais vous révéler quelque chose » puis que vous le saviez déjà, ce n'est plus une révélation. Oh, François, il était le seul qui ne savait pas. Mais une révélation, c'est toujours quelque chose qui était caché et qui est montré, qui est dit. Et ici, Dieu dit, qu'on a vu ensemble, Dieu veut nous révéler notre futur, le futur de l'Église. Le futur de ses enfants. Qu'est-ce qui cause l'infidélité chez un couple ou dans une famille ou peu importe? Qu'est-ce qui cause l'infidélité? J'ai marqué, est-ce les beaux jours ou les mauvais jours? Qu'est-ce qui va causer la fidélité? Quand quelqu'un dit « je t'abandonne », va-tu dire « parce que tu étais gentil, parce que tu étais gentil, parce que tu faisais… » La plupart du temps, c'est pas ça. Hein? Quand l'infidélité est souvent, on va en appeler à des choses négatives, à des mauvais jours. Tu n'as jamais fait ci, tu n'as jamais dit ça, tu n'as jamais fait ça, tu as toujours fait ci. Donc, on appelle aux choses négatives. Et on devient infidèle à une personne ou à une église ou à un groupe quelconque. On abandonne. Et souvent, quand on abandonne, c'est très rare que les gens vont dire « Ah, j'abandonne parce que c'était trop bon. C'était trop bien, on avait trop de plaisir, c'était tellement formidable. » Mais non, on ne dit jamais ça d'habitude. Hein, on abandonne parce qu'on critique des choses négatives. Dans les Écritures, les chrétiens ne sont jamais appelés infidèles. Jamais. Je vous défie de trouver un verset dans la Bible où les chrétiens sont appelés des infidèles. Jamais. Les chrétiens sont toujours appelés fidèles. Fidèles. Ceux qui sont appelés infidèles, ce sont les incroyants, les non-croyants. Vous savez, parce que le mot fidèle veut dire quoi? Ça vient d'un mot latin, fidei, qui veut dire croire. Donc, dans la Bible, un fidèle, c'est quelqu'un qui ne croit plus, qui croit. Puis un infidèle, c'est quelqu'un qui ne croit plus. Donc, un chrétien ne peut pas dire « je ne crois plus ». Mais là, il devient automatiquement, il n'est pas chrétien. Un infidèle, c'est quelqu'un qui rejette la fidélité, qui rejette la foi, qui rejette la croyance. Et la Bible, elle nous appelle fidèles. Et moi, j'aime ça quand, parce que les noms ou les surnoms qu'on nous donne ne sont pas toujours agréables. Ils peuvent être marqués positivement ou négativement par les noms qu'on vous donne. Hein? Des fois, il y en a qui vont se rappeler, je me semble que je vous l'ai déjà dit ici, mais il y a une femme que j'ai suivie pendant des années et j'avais demandé de se décrire par un nom. Un nom. Donne-moi un mot. J'avais demandé ça parce que dans mon cours, le psychologue, je prenais, c'est ce qu'elle nous avait dit de faire pour qu'elle voit l'image que la personne a là d'elle-même. Je savais que cette personne-là avait des temps difficiles émotionnellement. Donc, j'ai dit, c'est quoi le mot par lequel tu te décrirais? Et le mot était vraiment... En tout cas, elle me dit, torchon. Hé, pourquoi tu dis ça? Il dit, ma mère, elle m'a toujours appelé comme ça. C'est un torchon. Ça va marquer sa vie. Ça va marquer toute sa vie. C'est un nom qu'on lui avait donné. Ce n'est pas un nom agréable. Pas un nom agréable. Et si on dit à quelqu'un, t'es un bon rien, il va devenir bon rien, en général. Il y a toujours des exceptions à la règle. Si on dit des choses négatives, la personne, ça va la détruire. Si on dit des choses positives, absolument, ça va l'aider, ça va l'élever, ça va la bâtir. Et quand la Bible nous dit qu'on est des fidèles, elle veut nous aider, elle veut nous pousser de l'avant, elle veut nous bâtir, nous dire qui on est vraiment. Et j'ai écrit quelques-uns, je n'ai choisi quelques textes, on va en lire quelques-uns. Pas tout ce que j'ai marqué là, mais on va en lire. Acte 10, 45. Quelqu'un veut lire ça? Fidèles circoncis, ça c'était les Juifs, hein? Les circoncis c'était les Juifs. Les fidèles circoncis. Acte 11, 2. Encore une fois, Éphésiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et aux fidèles en Jésus. Colossiens 1, 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Et 1 Timothée 4, 3. Donc, les fidèles, c'est ceux qui ont connu la vérité, et ceux qui la gardent sont toujours appelés fidèles. Le mot fidèle, nous, souvent, c'est quelqu'un qui... Un fidèle, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. On voit plutôt quelqu'un de persévérant. Hein? Le mot dans la Bible, c'est plus que ça. Le mot fidèle, c'est celui qui est attaché, qui garde la vérité, qui garde l'Évangile, qui garde sa profession de foi en Jésus. Donc, quand on va parler de fidèle, quand moi je m'adresse à Dieu, je dis que tu es une personne fidèle, je ne te dis pas que tu es une personne qui ne lâche pas, tu es une personne qui croit. Tu es un croyant. Il y a certaines Bibles qui traduisent « et les croyants d'Éphèse ». Je trouve que c'est plus vrai comme ça que, à cause de notre contexte social, le mot fidèle, c'est quelqu'un qui il peut être avec sa femme encore, mais il n'est pas toujours fidèle à sa femme. Dans la Bible, ça ne marche pas comme ça. Tu es fidèle ou tu ne l'es pas. Mais tu peux être fidèle de temps en temps. Tu es un fidèle ou tu ne l'es pas. Tu es un fidèle ou un infidèle. Tu ne peux pas être entre les deux. Tu ne peux pas passer d'une étape à l'autre et dire « Ah, moi, je suis un fidèle, puis je suis plus fidèle, puis je suis un fidèle. Puis... » Non, tu ne peux pas faire ça. Dans la Bible, tu es un fidèle ou tu es un infidèle. Donc, c'est dans ce sens-là. Souvent, il y a un verset qui nous est donné. C'est celui-là ici. En haut, au verset 11, là. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se marier, renier lui-même. Et là, souvent, on va dire, ah, tu vois-tu, il y a un verset qui dit que les chrétiens sont infidèles. Non, il dit, si on devient un infidèle, Dieu va rester fidèle à lui-même et tu vas te donner. Si toi, tu changes d'idée, tu renies la foi, tu renies Jésus-Christ, lui, il va rester fidèle à ce que dit, tu ne passeras pas. Lui, il ne changera pas d'idée. C'est pas, si tout d'un coup, là, je deviens un incroyant, Dieu va rester fidèle puis il va m'aimer pareil. C'est pas ça que ça dit. Parce que ça, c'est tous des synonymes, hein? Si je persévère, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui va rester fidèle et il va te renier. Lui, il ne change pas d'idée. C'est la façon que je comprends le texte ici. Parce que lui, il dit, moi, je ne change pas. Si toi, tu changes, moi, je ne change pas. OK? Parce qu'il dit, il ne peut se renier lui-même. Et je crois que cette interprétation-là va mieux avec l'ensemble de la Bible, parce que Jésus ne change jamais d'idée avec quelqu'un. Il ne peut pas se renier. Et il dit à plusieurs reprises dans les Évangiles, si tu me renies, je te renie. Une des raisons dans la Bible et dans l'Apocalypse qui amène les chrétiens à devenir, je dis chrétien, je devrais dire plutôt les professants ou des gens qui se professent chrétiens à devenir des infidèles ou à se déclarer infidèles ou à dire « je ne crois plus ». Il y a des raisons. Une qui vient dans la Bible qui... On voit dès les Actes des Apôtres, même dans la vie de Jésus, pendant qu'il était sur la terre, une des choses que les gens qui arrivent dans leur vie, qui vont finir par rejeter Dieu ou Jésus-Christ, c'est la souffrance. Le refus de souffrir pour l'autre. Souvenez quand Jésus vivait, il y avait des foules de disciples qui le suivaient. Et quand il était persécuté par les pharisiens, par les dirigeants, c'est marqué que beaucoup de disciples se sont éloignés de lui par peur du rejet, par peur de la crainte d'être exclu de la synagogue, la crainte de souffrir à cause de Jésus. Beaucoup de gens vont rejeter l'Évangile, vont rejeter Jésus, et la raison, c'est la souffrance. Peur de souffrir. Et l'Apocalypse est fondée sur ce prémisse-là. Pour bien la comprendre, faut bien penser que les gens qui la reçoivent, qui ont reçu le livre, les premiers qui l'ont reçu, étaient dans un grand temps de souffrance. C'était un grand temps de persécution. Où est-ce que les gens étaient obligés de se cacher pour vivre la vie chrétienne, qui souffraient? Vous avez probablement tous lu des livres, vous avez vu des histoires où est-ce qu'on les martyrise, qu'on les jette dans les arènes, ou qui sont mangés par les lions, ou qui sont tués, sont même, à ce que j'ai lu, le pire, moi, en tout cas, dans mon idée, c'est qu'on les enveloppait dans des peaux d'animaux, puis on les allumait pour éclairer les chemins. Et tu sais, quand tu vois ça, là, tu marches le soir, tu en vois un qui brûle, il faut que tu aies la foi pas mal forte pour dire que demain matin, je vais continuer à dire que je suis chrétien. Ça prend une bonne décision, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. Et Jésus s'adresse à l'Église du temps de l'Apocalypse à cause de ça. Il va lui dire tout au long du livre, « N'abandonne pas, même si la mort vient. » C'est pas qu'il dit « souhaite ça ». Il n'est pas en train de dire « souhaite-les ». Non, il dit « si ça vient, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes. » Regardons quelques textes de l'apôtre Pierre. Quelqu'un qui veut lire le premier passage, 1 Pierre 3, versets 13 à 17. Intéressant ici, hein? Il dit, la souffrance n'est pas épargnée à ceux qui font le mal. Il dit, c'est mieux de souffrir en faisant le bien que de souffrir en faisant le mal. C'est pas qu'un va se sauver du mal, de la souffrance. Parce que, entre vous et vous, on a été non-chrétiens assez longtemps pour savoir qu'on souffrait pareil dans ce temps-là. Mais il dit, il vaut mieux souffrir à cause du bien qu'à cause du mal. Un autre, je voudrais lire l'autre passage, dans 1 Pierre 4, 12 à 19. Ça vous décourage, c'est trop long, hein? J'ai déjà donné un sermon une fois qui disait tu vas souffrir à cause du nom de Jésus-Christ maintenant ou plus tard. Mais tu vas toujours souffrir. Si tu ne souffres pas ici-bas à cause de Christ, tu vas souffrir pour l'éternité en enfer. Mais tu vas souffrir à cause de Christ. Tu vas souffrir parce que tu l'acceptes ou tu vas souffrir parce que tu le rejettes, mais tu vas souffrir. C'est pour ça qu'il dit, maintenant, t'es mieux de souffrir pour le bien que de souffrir pour le mal. Mais tu vas souffrir. Puis il dit ici, dans le texte qu'on vient de lire, il dit, si tu souffres à cause que tu fais le bien, il dit, imagine-toi, toi qui es un enfant de Dieu, et tu souffres à cause du bien, imagine-toi la souffrance qui va venir à ceux qui font le mal maintenant. Et le mal ici, c'est le mal de rejeter Christ, c'est le mal dans son apogée, le mal de rejeter Dieu. Imagine-toi la souffrance que les autres vont subir. Donc il dit, console-toi, entre guillemets, console-toi, ta souffrance, toi au moins, ça vaut la peine. Parce que l'autre va souffrir, et lui, ça va être pour plus longtemps, et pour quelque chose qu'il aurait dû... Il va s'en mordre les doigts, si on peut dire ainsi, après ça. Il y a un autre texte qui dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, à lui soit la puissance au siècle des siècles. » 1 Pierre 5, 10 et 11. Il dit, « Après avoir souffert un peu de temps, ça va être la gloire éternelle. Ceux qui ne veulent pas souffrir ici-bas, les autres vont souffrir éternellement. Et si je peux résumer ça, ça c'est le message de l'Apocalypse dans son ensemble. Souffre maintenant, pour moi, jusqu'à la mort, c'est le faux. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas souffrir éternellement sans moi. Prends ton choix. Accepte, prends ton choix. Je le mets devant toi, le choix. Ce n'est pas que le chrétien veut souffrir. Je crois qu'on doit faire tout ce qu'on peut pour ne pas souffrir en tant que chrétien. Ben oui. Il faut faire attention. Il dit, hein, dans Pierre, il dit, attention de ne pas souffrir parce que tu es un voleur, un menteur, ainsi, et ça. Parce que les chrétiens, des fois, on souffre parce à cause de nos conneries. Mais il dit, tu ne parles pas de ça, là. Si quelqu'un souffre à cause de Jésus, à cause de son nom. On peut faire tout ce qu'on peut pour ne pas souffrir. Alors, je prends ma petite pilule aussi, des fois, pour ne pas souffrir. Hein? Puis je me tasse quand je vois venir le camion, parce que je ne veux pas souffrir. Je peux faire tout ce que je peux pour ne pas souffrir. Mais quand la souffrance vient à cause de Jésus, Jésus dit, accepte-le. Accepte-le. Et je pourrais vous en lire beaucoup de textes où ce que la Bible nous dit, clairement, qu'on va souffrir. On va souffrir. Vous avez peut-être déjà souffert à cause que vous êtes chrétien, de toutes sortes de façons. J'ai souffert depuis 30 ans, à différentes périodes de ma vie, pour différentes raisons. Même encore aujourd'hui, des fois, on voit que les gens nous rejettent à cause de Jésus-Christ. Les gens nous fuient. J'ai un homme avec lequel je parlais au gym, il était tellement intéressé parce qu'il disait, j'étais un enseignant, puis selon lui, j'enseignais ici. Puis c'était bon, jusqu'au temps que je donne ma carte, et que j'étais l'enseignant à l'église baptiste. Et puis ce temps-là, ben, il a choisi une autre heure de la journée pour aller au gym. Voyez-vous, c'était, on souffre d'une espèce de rejet, on se tasse. Mais en même temps, on se réjouit parce que c'est pour la bonne raison. C'est ce que l'apôtre Pierre disait, hein? Réjouissez-vous au contraire, si vous souffrez pour la bonne raison. Apocalypse 2, verset 8. C'est la deuxième église. C'est une portion de l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, Dieu a dit, si tu ne te repens pas, hein, d'avoir abandonné ton premier amour, je vais enlever ton chandelier, tu n'auras pas le droit à l'arbre de vie. Ouh, c'est une grosse affaire, hein? Si tu ne te repens pas d'avoir abandonné ton premier amour, je t'enlève ton chandelier et tu n'as pas le droit à l'arbre de vie. Ça, c'est la donation. Ça, c'est, tu ne peux pas avoir plus que ça. Si je t'enlève ton chandelier et tu n'as pas le droit à l'arbre de vie, ça veut dire que tu es mort, spirituellement mort. Donc, reviens en tant qu'Église à ta premier amour, c'est-à-dire à Jésus-Christ, parce que tu m'as abandonné. Ici, ce soir, cet matin, on va voir une autre église avec un autre petit problème, et ça parle de souffrance. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. L'ange, on peut traduire ça comment? Messager. Hein? Messager. Écrit au messager de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, Jésus dit ici à l'Église, n'aie pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. Et il dit, je te demande de rester fidèle jusqu'à la mort. Je te demande de rester fidèle jusqu'à la mort. Et dans ce temps-là, à ce que je peux comprendre de l'histoire, si tu devenais un chrétien, c'était presque sûr que tu mourrais à cause de la foi. Et c'était tellement devenu la norme de mourir à cause de la foi que ceux qui ne mouraient pas se demandaient, se posaient la question si c'était des chrétiens. J'ai lu ça dans une lettre, quand on faisait nos cours d'histoire d'Église, qu'il y a des gens que, parce qu'ils ne souffraient pas, ils allaient dans la rue et prêchaient l'Évangile. Il y a certains qui étaient des chrétiens, ouais, c'était pour souffrir. C'était tellement la norme que ceux qui ne souffraient pas se demandaient pourquoi je ne souffre pas, moi, là. C'était devenu quasiment une norme de mourir pour Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il faisait une bonne chose quand il faisait ça. Je vous dis juste que c'était rendu tellement courant de mourir. Au Québec, pour nous autres, là, dans ces années ici, c'est pas courant. Hein? On ne meurt pas pour la foi. Pas au Québec. Mais vous savez qu'il meurt beaucoup de monde dans le monde aujourd'hui encore pour leur foi en Jésus. J'ai entendu dire que c'est proche du demi-million à un million par année dans le monde qui meurt pour la foi, pour leur foi en Jésus. Donc, il y en a qui meurent. Il n'y a rien qui dit que dans 10 ans, on ne sera pas comme ça au Québec. Je prie que non, que ce ne soit pas là. Mais si ça vient, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va accepter? Ce que Dieu nous dit à nous aujourd'hui, il dit, bien, apprends, prépare-toi. Si ça arrive, voici ce que j'attends de toi. Si ça arrive dans ta vie, voici ce que j'attends de toi. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas mon plan pour toi. Mais si ça arrive, voici ce que tu devrais faire si ça va jusque-là. Première raison, pourquoi Jésus me demande d'être fidèle jusqu'à la mort? Parce que Jésus a été fidèle jusqu'à la mort pour nous. Jésus ne nous demande pas de faire ce qu'il n'a pas fait. Au verset 8, comment il s'est présenté? On a vu qu'il va se présenter différemment à chaque église. La semaine passée, il s'est présenté comme celui qui avait une épée dans la bouche. Puis là, il se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il dit, moi, je suis allé jusqu'à la mort pour toi. J'étais fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que c'était facile pour Jésus? Est-ce que Jésus a accepté la mort facilement? Voyons. Non, non, dites-le avec moi. Là. Non. Qu'est-ce qui nous dit ça? Y a-t-il un texte qui vous rappelle ça? L'histoire de saint. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? S'il est possible, fais que je ne meure point. C'est ça qu'il est en train de dire. Fais que la coupe s'éloigne. La coupe qui parlait, c'est de la mort, la croix. Fais que ça s'éloigne, s'il est possible. Mais pas ma volonté, mais la tienne. Il a lutté jusqu'au sein. Et ça, médicalement parlant, c'était rendu pas mal au bout. Là. Puis c'était tellement dur que Dieu lui a envoyé un ange dans Luc, hein, qui est descendu du ciel, d'un autre côté de lui, pour l'encourager à accepter d'aller jusqu'à la mort. Pour nous. Il dit, ce que je te demande de faire, je ne te demande pas quelque chose que je n'ai pas fait, je l'ai fait pour toi. Je suis allé jusqu'à la mort pour toi, j'ai souffert pour toi, d'une mort que peut-être qu'elle n'aurait même pas à subir toi. Mais je suis mort pour toi, donc je ne te demande pas quelque chose que je n'ai jamais fait, je l'ai fait moi aussi. J'ai fait moi aussi. C'est marqué dans 1 Pierre, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps et sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Jésus est présenté à plusieurs reprises comme celui qui a souffert. Mais il a vaincu la mort. Il est passé par-dessus la mort. Il l'a accepté et Dieu lui a donné la vie. Il est mort et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, la première raison qu'il nous dit pourquoi on devrait accepter la mort, c'est parce que lui, il l'a accepté pour nous. Il l'a accepté pour nous. Et donc, je crois que ça nous aide à comprendre, ça nous aide à saisir le fait que, oui, il ne me demande pas ce qu'il n'a pas fait. Si je, moi, je te le demanderais, tu dirais, frère, je te demanderais de mourir pour moi, je dirais, oui, mais tu l'as jamais, toi, tu n'as pas fait ça pour moi, tu sais, là. Mais moi, je l'ai fait. Jésus dit, je l'ai fait pour toi. Donc, pourquoi tu ne le ferais pas pour moi aussi si je te le demande? Il ne le demande pas à tout le monde, mais à certaines périodes de l'histoire de l'Église, il le fait. Il le fait. Deuxième raison au verset 9. Parce qu'il connaît notre situation. Il sait ce qu'on est en train de vivre. Il savait ce que l'Église de Smyrne vivait. Il connaît notre affliction. Il dit, je sais comment tu es, au verset 9. Je connais ton affliction. N'as-tu qu'il y a une autre traduction que le mot affligé? Ta tribulation. Le mot affliction, c'est le mot affligé. Ça parle de souffrance, hein? Ça parle de quelque chose de difficile. Et je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche, je parle qu'il parle de richesse spirituelle, mais je connais ta pauvreté. Je sais que tu es calomnié, que tu souffres injustement. Je sais que tout ce qui t'arrive, ce n'est pas... Tu ne mérites pas. Parce qu'une calomnie, vous savez, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Une médisance, c'est quelque chose qui est vrai, que tu ne devrais pas dire. Mais une calomnie, c'est quelque chose que qui n'est pas vrai. Je sais que les gens te calomnient, t'accusent de toutes sortes d'affaires, et ce n'est pas vrai. Ils ont fait mourir, ils ont fait souffrir pour des choses pas vraies. Ça, c'est plus dur, hein? Quand tu as fait quelque chose d'une connerie, tu souffres, mais ça, c'est plus acceptable. Mais de souffrir pour quelque chose que tu n'as pas fait, c'est encore plus dur. Je sais ça. Je sais. Je sais que ce que tu vis. Je sais que tu es pauvre. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, dans Actes 9, l'Église, elle est persécutée par l'apôtre Paul et l'Église de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui loin de chez eux pour garder la vie. Ils se sont tassés. Ils n'ont pas resté là. Ils se sont tassés. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas souffrir. Mais ils sont devenus pauvres comme la gagne. Ils ont tout perdu pour sauver leur peau. Et plusieurs sont morts plus loin parce qu'ils ont été dans d'autres villes, dans d'autres pays, ils ont été persécutés. Dans d'autres provinces, ils ont été persécutés. Ils sont morts aussi. Jésus dit, je connais ta situation. Je connais. Il dit dans Apocalypse 1, verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation ou à l'affliction. » Dans l'Apocalypse, verset 7, chapitre 7, verset 14, je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui vivent dans la grande tribulation. » Dans la grande affliction. Il dit, c'est qui ces gens-là? Ces gens qui posent la question à Jésus. C'est qui toute cette grande foule-là? Il dit, c'est ceux qui ont vécu dans la grande affliction, dans la grande tribulation. Et qui sont morts pour leur vie, pour leur foi. Il y a plusieurs passages dans l'Apocalypse et dans le Nouveau Testament où est-ce qu'on parle de l'Église comme étant dans la pauvreté, physiquement parlant. Ça se peut que Dieu nous appelle dans la pauvreté. Ça se peut des fois qu'il nous appelle aussi dans la richesse. Un n'est pas bien, puis l'autre n'est pas mal. Il dit que un ou que dans l'autre, tu ne me rejettes pas à cause de ça. Si tu rejettes-moi pas à cause des richesses, puis rejette-moi pas à cause de la pauvreté. Fais pas ça. Reste fidèle, peu importe. Et l'apôtre Paul le dit à un moment donné, il dit, j'ai appris à vivre dans la abondance et dans la disette ou dans la pauvreté. J'ai accepté les deux. J'ai vécu les deux. Des fois, je trouvais dans des palais avec des rois, d'autres fois, tu es dans des prisons, il était avec les roches, je peux dire, puis il mangeait du pain et de l'eau. Il a vécu les deux, puis il a accepté les deux. Puis je vous appelle à être content aussi, comme moi. Si Dieu vous appelle une place, vous l'acceptez. Si vous appelez l'autre place, vous l'acceptez. Et puis, vous pouvez passer d'un à l'autre. Mais je connais ça. Je sais ce que tu vis. Et je connais ça, je connais ta souffrance, je connais ta pauvreté, je connais les calomnies qu'on fait à ton sujet. Vous êtes des gens calomniés. Et c'est qui les calomnie? C'est qui les calomnie? Qu'est-ce qu'il dit au verset... 9. C'est quels sont les gens qui ont tendance à nous persécuter le plus? Quels sont les gens qui ont tendance à nous calomnier le plus? C'est les gens les plus zélés pour une foi. Plus une personne est zélée pour sa foi, plus elle va te persécuter. Au Québec, pourquoi on est moins persécuté présentement? C'est parce que la population québécoise n'a plus de foi, ou à peu près plus de foi. Ils ne sont plus allés pour aucune religion. Ils ne pratiquent quasiment plus rien. Ils sont indifférents. Vous allez sur la rue, vous demandez à des gens s'ils pratiquent la religion. Ils vont vous dire, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. Je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. La plupart des gens vont vous dire qu'ils ne sont pas pratiquants. Ces gens-là ne vont pas vous persécuter beaucoup. Mais qu'est-ce qui persécutait beaucoup les chrétiens au début? C'était les juifs. Puis c'est ça qu'il dit ici. Il dit, ils se disent juifs, mais ils ne sont pas. Ils ne sont pas des vrais juifs, spirituellement parlant. Il dit, mais ils se sont une synagogue de Satan. C'est des juifs. Les juifs étaient un peuple très zélé. Vous allez dans les pays musulmans aujourd'hui, ceux qui sont là comme missionnaires ont toujours peur pour leur peau. Pourquoi? Les musulmans sont très zélés pour leur foi. Ils vont persécuter les chrétiens beaucoup plus. Plus une personne est zélée pour sa foi, plus elle va te persécuter. Parce que c'est une réaction normale. Je ne dirais pas une réaction bonne, mais c'est une réaction normale. Qui a persécuté le plus Jésus pendant qu'il était sur la terre? Les Juifs, mais les Juifs, surtout les plus zélés, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les Juifs les plus engagés, c'est eux autres qui ont fait le plus de problèmes à Jésus. Parce que tu les attaques d'une façon très personnelle. Tu remets en question toute leur vie. Et des années 50, ici, quand M. Héron et compagnie sont arrivés, qui les a persécutés? C'était l'Église. Les gens les plus impliqués dans l'Église catholique, c'est eux qui ont le plus persécuté les chrétiens des années 50 hein, au Québec. Les indifférents, là. Fiche-moi la paix, puis je vais te ficher la paix, c'est pas plus dur que ça. Et donc, Jésus nous dit ça. Donc, il dit, je sais, je ne suis pas ignorant de ce que tu es en train de vivre pour moi, je connais ça. Au verset 10, il dit, il nous demande de ne pas craindre la souffrance. La souffrance va venir dans nos vies, puis il dit, je ne veux pas que tu la craignes, je ne veux pas que tu la mettes, que tu me lâches à cause de ça. Savez-vous que la souffrance est une épreuve ou une tentation? Savez-vous que le mot épreuve, le mot tentation dans la Bible, c'est le même mot? Dans le grec, c'est le même mot. C'est du côté, mettons, je mets un mot de papier. Ce côté ici, c'est ce côté de Dieu, c'est une épreuve. L'autre bord, du côté de Satan, c'est une tentation. Et c'est le même événement. C'est la même chose qui arrive. Pour un, ça va devenir une tentation, pour l'autre, ça va être une épreuve. L'épreuve, c'est pour t'emmener plus loin. La tentation, c'est pour te faire tomber. Mais c'est le même mot dans le grec. Je pourrais traduire un par l'autre, tout le temps. Donc, tous les événements de ma vie qui m'arrivent, c'est des épreuves ou des tentations, mais c'est la même chose. Si je tombe, c'est une tentation. Si je surmonte, c'est une épreuve. Il dit, je sais ce que tu vis. Je connais ce que tu vis. Je sais que tu es éprouvé pour moi. Je sais que tu es tenté. Satan te tente pour que tu me lâches. Et moi, je t'éprouve pour t'amener plus loin. Vous vous souvenez dans Jacques 2? Regardez les sujets de joie, toutes les tentations ou les épreuves qui vous arrivent, parce que les épreuves vont vous fortifier, vont vous amener à avoir une foi plus forte. Donc, Dieu, par l'épreuve, veut me rendre plus fort, Satan, par la même épreuve, veut me faire tomber ou abandonner. Mais Jésus dit, moi, je te demande de ne pas lâcher, de ne pas avoir peur de la souffrance. C'est pour ton bien. On en discutait cette semaine à la réunion de prière, que la souffrance, c'était salutaire. Si vous ne souffririez pas physiquement, qu'est-ce qui arriverait? Il y a des maladies comme ça, hein, qui vous enlèvent la douleur. Les nerfs, ils ne répondent plus à la douleur. Vous savez que les lépreux, c'est ça qu'ils vivent? Ils perdent la sensation dans leurs mains. Et c'est pour ça qu'ils perdent leurs doigts, ils perdent les os, parce qu'ils peuvent se mettre la main sur le poil, puis ils n'ont même pas rendu compte, ça fait pas mal. Donc, ils perdent toute sensation, il n'y a plus de douleur. Et à cause de plus de douleur, ils vont me faire pas mourir. Si j'ai une aiguille, puis je me pique avec, quand ça fait aïe, qu'est-ce que tu fais? La douleur, c'est pour te protéger. C'est pas quelque chose de négatif, la douleur. Dieu a donné à l'homme pécheur, hein, si tu pêches, tu vas souffrir. Mais si j'ai mis une souffrance à cause de tes pécheurs, c'est pour te sauver que j'ai mis la souffrance. Parce que si tu ne souffres pas à cause du péché, tu ne voudras jamais être sauvé. Pourquoi quand on voit un médecin, C'est parce que ça fait mal. Pas parce que tu es malade. C'est parce que ça fait mal. Parce que si ça ne ferait pas mal, tu ne saurais pas que tu es malade. Et un bon moment donné, tu tomberas à terre. Bon. Sans souffrance, mais tu seras mort. Mais la souffrance te dit, « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans toi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu vas voir le médecin pour qu'il règle ça. » Et quand ça fait mal, quand on souffre, c'est pour notre bien. C'est pour ça qu'apôtre Pierre dit ça à plusieurs reprises. C'est pour votre bien que vous souffrez. Ça va vous faire avancer, ça va vous rendre plus fort, ça va vous rendre fidèle. Ça va vous aider d'être fidèle. Moi, c'était dans ma tête à moi, quand je priais depuis ma vie chrétienne, puis je disais au Seigneur de me garder fidèle, savez-vous ce que je pensais? Qu'il enleverait la souffrance. Que s'il y aurait moins de difficultés dans ma vie, que je pouvais toffer plus. J'aurais plus tendance à rester fidèle. Mais il dit non, mon François. C'est à travers la souffrance que tu vas rester fidèle. Parce que la souffrance va t'emmener à t'accrocher après moi, à rester après moi. Savez ce qui me rend drôle ici, c'est que Dieu sait que je vais souffrir. Il dit à l'Église, tu vas souffrir là, pendant 10 jours, là, tu vas avoir une souffrance. Tu vas aller en prison pour moi. Là. Savez-vous qu'il ne dit pas qu'il va les empêcher? Il dit, Satan vous fait souffrir. Mais il ne dit pas, je vais empêcher Satan de vous faire souffrir. Il ne dit pas ça. Savez quand il dit à l'apôtre Pierre, il dit, Satan t'a réclamé, Pierre, pour te cribler comme le froment. Il n'a pas dit, je vais l'empêcher. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai prié pour toi afin que tu restes fidèle. Mais je n'arrêterai pas Satan. Je n'empêcherai pas Satan de te faire souffrir. Ça, moi, je trouve ça pas si pire. C'est Satan qui l'a réclamé. Mais quand, vous savez, Job, là, Dieu dit, vas-y, Satan. Tu peux éprouver Job, mais tu ne le fais pas mourir. Jusque sur le bord. Des fois, tu as envie quasiment de te devenir malin. Tu dis, voyons donc, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu permets ça? Et quand on regarde la fin de la vie de Job, Job est en meilleure posture qu'au début. Ne demandons pas au Seigneur de ne pas souffrir. Demandons au Seigneur d'accepter la souffrance s'il le permet. Seigneur, si tu permets que je souffre à cause de ton nom, donne-moi la fidélité, rends-moi fort, donne-moi le courage, donne-moi la persévérance pour aller jusqu'au bout. Et il dit en terminant, une chose, il dit, si tu persévères, verset 10, si tu vas jusqu'à la fin et t'acceptes de mourir, je vais te donner la couronne de vie. Si tu es fidèle, je te donne la couronne de vie. Si tu ne l'es pas fidèle, si tu ne persévères pas, je dois conclure quoi? Tu n'auras pas la couronne. C'est tout. La persévérance, ce n'est pas une œuvre pour avoir la fidélité ou pour avoir la couronne. La fidélité ou la persévérance, c'est une œuvre de la foi. Si je ne l'ai pas, je devrais dire, bon, si j'abandonne, c'est parce que je n'ai pas la foi, donc je devrais me repentir et le croire. C'est une façon de m'évaluer la fidélité. Quand tu as envie d'abandonner, tu dois poser la question, si j'ai envie d'abandonner, c'est-tu parce que je n'ai pas la foi? C'est-tu parce que je n'aime pas Dieu? C'est-tu parce que je n'aime pas Jésus? C'est-tu parce que Jésus, je pensais qu'il était mon serviteur, puis il ne l'est pas? Je ne l'aime pas parce qu'il m'abandonne, il me laisse souffrir, donc je vois le... C'est un test pour ma propre foi. Il dit, si tu restes fidèle, ou si tu es fidèle jusqu'à la fin, je vais te donner la couronne de vie. Si tu l'abandonnes, hein, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner. Ici, je ne parle pas là, de difficultés spirituelles, dans le sens de, avec le péché dans ma vie. Là, je ne parle pas de lutte, si, hein, souvenez-vous bien de ça. Je ne parle pas de moralité. Là. Moi, je dis, si tu tombes dans le péché, si tu peux tomber le plus loin que tu peux dans le péché, mais tourne-toi toujours vers Dieu et dis, Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Je ne parle pas de ça. Je parle le jour où ce que tu vas dire, je ne crois plus en Jésus, c'est de la foutaise, c'est un bordel, je me suis fait laver le cerveau par les bâtisses. Là, je te dis, tu es en gros pétrin. Là, tu as un gros problème. Pas avec les bâtisses, avec Dieu. C'est ça que je parle. Faites attention, là. Je ne suis pas en train de vous remettre en question, de dire, oh, je ne suis pas un bon chrétien. Non, c'est juste la question, je suis un chrétien ou pas. C'est ça que la question. Et comment je vais le savoir? Comment je vais le savoir? Dieu permet dans ma vie des épreuves, des tentations. Il permet ça. Pour que je voie, pour que je voie. Je me souviens toujours d'un de mes frères. Il avait fait profession de foi, il avait dit qu'il croyait, puis il a commencé à venir à l'église. Il est arrivé quelque chose dans sa vie qui l'a mis à l'épreuve et abandonné. Quelques temps après, il vient me voir, il dit, François, non, je n'avais pas bien compris, ça ne se peut pas que ça s'est trompé, ça ne se peut pas que ma mère s'est trompée, ça ne se peut pas que toute l'église soit trompée, ça ne se peut pas. Donc, je retourne à mon ancienne foi. Savez-vous ce que j'ai répondu? Je suis triste que tu dises ça, mais je suis bien content que tu le réalises que tu n'étais pas chrétien. Parce que ça serait tellement terrible que tu meurs pensant que tu l'es et que tu ne l'étais pas. Je suis content. Je suis content que Dieu, et je me souviens d'avoir prié, Seigneur, merci que c'est arrivé dans sa vie pour qu'il réalise qu'il ne l'était pas. Parce que moi, j'aurais pu croire pendant toute ma vie qu'il l'était. Moi, j'aurais pu croire qu'il l'était. Puis il y a des gens qui se disent chrétiens pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, puis finalement, ils disent, non, je ne crois plus à ça. Ils meurent inconvertis. Pourtant, pendant 25 ans, ils l'ont dit. Je dis tout le temps, que tu aies dit que tu étais chrétien il y a 20 ans, c'est pas important. Tu le dis-tu aujourd'hui? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, chaque jour, quand je me couche le soir, je suis encore capable de dire, Seigneur, je me couche et je m'endors dans la foi en Jésus. Pas de savoir si j'ai fait profession de foi, je me suis fait baptiser il y a 25 ans. Pas important, ça. C'est aujourd'hui. Est-ce que je crois aujourd'hui? C'est ça qui est important pour moi. Parce que le Seigneur Jésus, il s'en fout au bout de là-bas. C'est aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, je dis que je ne crois plus, le restant, ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut absolument rien. Il dit au verset 11, je te fais une promesse. Mais la promesse, c'est pour ceux qui vont vaincre. Hein? À celui qui vaincra. Ça veut dire quoi, ça, vaincre? C'est la victoire. Hein? Victoire. La victoire, c'est quoi? Une lutte en quoi, là? La victoire sur quoi? Tu es fidèle ou infidèle? Si le mot vaincre, ça veut dire si tu restes victorieux et tu gardes la foi jusqu'au bout et que tu meurs pour moi, tu ne subiras pas la deuxième mort. Qui est quoi? L'enfer, hein? La séparation de Dieu pour toujours. Il dit, si tu acceptes de mourir pour moi, parce que là, il dit, il y en a beaucoup qui vont souffrir, il y en a qui vont mourir. Et là, il dit ça à une église qui savait que ça arriverait. Il dit, si tu meurs pour moi, tu ne subiras pas la deuxième mort, qui est l'enfer, dans l'Apocalypse. Mais il dit, si tu veux rester vivant et que tu ne veux pas mourir et tu veux sauver ta vie, mais tu vas subir la deuxième mort ou la seconde mort. C'est un choix. Pas facile comme choix, mais il dit, c'est le choix que tu as. Et moi, je n'ai pas peur, personnellement, François, je n'ai pas peur de remettre en question mon salut. Je n'ai pas peur de me poser des questions. Ça ne me l'enlèverait pas, vous savez, si je l'ai. ça ne me fait pas peur, personnellement, de m'arrêter et de dire, François, est-ce que tu crois ça? François, là, si aujourd'hui Dieu permettrait que tu souffres et que peut-être tu vas mourir, est-ce que tu l'accepterais? Ou si tu le renierais? C'est facile aujourd'hui de dire, oui, oui, moi je l'accepterais. Oui, oui, oui, je l'accepterais de mourir. Tant que le fusil n'est pas là, ou que le lion n'est pas devant toi, c'est plus facile à dire, hein? Mais que le Seigneur puisse nous aider, frères et sœurs, que si jamais il permettait ça de notre vie, qu'on dise, Seigneur, j'accepte de mourir. J'accepte de mourir pour toi. Parce que tu es mort pour moi. Tu sais que ce que je vis. Tu n'es pas indifférent, tu n'es pas un Dieu insouciant. Puis ça, ça ne me fait rien, tu peux bien souffrir mon élève, ça ne me dérange pas. Non, il sait. Il sait ce que je souffre. Il veut m'accompagner dans cette souffrance-là. Il veut rester avec moi dans la souffrance. Puis il me fait la promesse. François, persévère. Et peut-être tu vas mourir, mais si tu meurs, je vais donner la couronne de vie. Il n'aura pas besoin de subir la seconde mort. C'est toujours le, frère et sœur, c'est toujours le choix que Dieu met devant nous. Toujours le même choix. Sur le mont Sinaï, il a dit à Moïse, à tout le peuple d'Israël, « Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis! » C'est toujours le même choix. Il écrit l'Apocalypse 4000 ans plus tard, ou 3000 ans, ou 2000 ans plus tard, peu importe comment ce qu'on pense, c'est vieux. Il dit, « Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis! » C'est toujours le même choix qu'on a à faire. Le choix, ce n'est pas choisir entre fumer un joint et pas en fumer. Le choix, c'est choisir entre la mort et la vie. En Jésus ou entre moi et Jésus. Entre Dieu et moi. Que le Seigneur puisse nous aider à réaliser ça et à comprendre que c'est pour notre bien. Savez-vous, je vais terminer avec cette petite idée. Le mot Smyrne, c'est l'église de Smyrne. Hein? Savez-vous ce que c'est de la Smyrne? C'est quoi ça? C'est un mot qui ça me dit de la myrrhe. C'est de la myrrhe. De la myrrhe, c'est ce qu'on a offert à Jésus quand il est venu au monde. Savez-vous, il y avait un dicton qui dit de la myrrhe, pour en extraire le parfum, il faut là que tu l'écrases. Plus tu l'écrasais, plus ça sentait bon. Puis il dit à l'église de Smyrne, tu vas t'écraser. Mais accepte d'être écrasé pour moi. C'est donc, hein, le jeu de mots était intéressant. Il dit, tu vas souffrir, tu vas t'écraser, il y a plusieurs qui vont mourir à cause de moi. Mais accepte-le. Accepte-le. Pour moi. Que le Seigneur puisse nous aider à s'évaluer, si jamais ça arrive dans notre vie, qu'on soit prêt, si ça vient. Notre Père du ciel, nous sommes contents ce matin que tu nous lances un défi, si je peux dire ainsi, d'accepter de souffrir, de mourir pour toi. Seigneur, peut-être qu'on n'aura pas jusqu'à la mort cette semaine, mais peut-être que tu vas nous mettre devant le rejet. Peut-être que tu vas nous mettre devant certaines pertes matérielles ou pertes d'amitié à cause de notre foi. Pas qu'on soit capable d'être sage et d'être intelligent et d'être fidèle. Non pas d'être baveux ou d'être inconsidéré pour les gens, mais de rester fidèle à ce qu'on croit. Et Seigneur, si jamais tu permets qu'un jour nous sommes devant, qu'on soit dans la mort, devant la mort, à cause de ton nom, nous te le disons aujourd'hui. Nous voulons être fidèles, nous voulons être persévérants, nous voulons continuer. Mais nous avons, bien humblement, que nous avons besoin de toi pour le faire. Garde-nous attachés à toi, continuellement, afin que nos vies te glorifient, afin que nos vies t'exaltent, afin que nos vies démontrent